Leçon 1. Page 14. Activités 2 et 3. Piste 5. Bonjour Hugo, ça va ? Salut Alice. Oui, ça va bien. Au revoir Hugo. Salut Alice.